saison. Ça mérite une route aussi que c'est longue, per naquer au fond de la douce, la goutte du souk et des dînes s'y viennent toutes et douces. بسوري يا عين بسوري في مليون نفس بعتمة عيوني عم تشكي من سواد النور في حلم مطمور ومصطبي وزوار عم يرستوا ماضي الأيام الجاية بسوري يا عين بسوري Mérite son yaras beléo en quiche de ser. Trombare l'usam. Et t'as perlo sul cuisi. Tu en cara fatsun. Y un desperi aisi. Que l'usam y j'arriben caparisca tun sen. Yeu vendrei angatsa. Din tus yeux un miral, un rebat mon retrat. Tu n'aimes corporal, tu m'arrêtes de continuer grande spirale. Te bendra y angazan, din gindar en badal. Tu n'iris me fara dintra, din tu nastrado. Tu n'este lumen cien vendra la dan balando. Aquí, luten disomnia passant. Espérirai que la passe sous tout en brésil à nous là. Verrai les rêtres adorables. S'espérirai d'il y va d'une des amis ou à l'île. S'arrête une joue à campagne. Respirerai. Et l'aurore du temps passant. Cherche une drague pulide. Tu mon amigo, précise l'aigle. Vive la vie de bord des ligues. Oh, passe l'île à maman, mon quart d'incise. Cachai les damars, un carré décise. Café mi piada Fin des fuites, c'est un fin d'enfance C'est un vent vivou, c'est un vent esbru Sous pitchoun des sang, mais ça y passe Un dessin, c'est un vent, c'est un bru Un dessin disrein, c'est un jid, c'est un brûleur T'y vois, l'y tue Un dessin n'existe pas, un fin, n'existe plus Aïe des saudis, mais ça on met des sang Des fa, on est des saupus Des centenaux, des centaures Et moi, qui m'a ou rien défendu Si ou par là ou le d'or Parli par les caisses d'artestar Descendendo par la mu Est un caisse d'art parlant d'armadu Pas d'armadure, parli Pure, ma langue dure, tant vive t'a convaincu. Est-ce qu'on s'insus, langue fuste, crèze, est-ce qu'est-ce loup par la gus, fatus, loup faux, est-ce fous, qu'en va, est-ce faux, est-ce fraille, un maïk, est-ce au qu'est pensi, qu'a bien crèze aigu. Femme des feux, c'est un fée, un fille, est-ce vent, faux, fal ou verbellus, faux des feuilles, fous, codé.